Jules, quoi, moi j'ai des vacances à Paris. Je suis à Dakar. Donc, ben soir, moi j'ai beaucoup les pâtisseries, les ambassades. Donc, nous sommes pour les glaces, normal. Les gens, ben, va commander, hein. Gelbinem. Bonsoir, je voudrais une glace, s'il vous plaît. Vendeur, quel parfum, mon éco-phare. Retournez ce jour, mon éco-pays. Au revoir, mon fils, vous avez des parfums.